que du sale, que du sale, que du sale. De la B. Charo, c'est Charo. Tu cours, tu cours. Mais revenez, mais revenez. Mais pourquoi vous courez? Mon gavot des gavots, gavot des gavots. 24 sur 24, ça compte toi des plafonds. Et si c'est Charo, mes négros sont bavons. Moi dans le bendo, j'ai le diplôme du braveur. Je suis à la salle, j'ai mes bravas. Bravo. Je suis le plus représenté, brasa. Ah non. Tu veux me chercher des balafres? Qui va finir avec des balafres? Voilà. Toujours un flingue quand je me balade. Normal. Ma chérie trouve que je suis malade. Oh, bendo na bendo. Je contrôle le game, un peu comme Nintendo. Violence et violent, Charo c'est Charo. Charo. Oh, seigneur, je suis barjo. Et tiens. Bâtard en couru, chien. C'est bâtard en couru. Pourquoi? Bâtard en couru. Bendo na bendo. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. Chien. C'est bâtard en couru. Lâchez son mogo. Coro des Zifus. Ton c'est Zifus des coros. Oh, Zifus des coros.